Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Comme chaque lundi soir, depuis pas mal d'années maintenant, vous êtes à l'écoute de l'émission Calendrier des esclavages et des libérations. Revue de presse, donc au départ, ensuite de la musique, calendrier, l'ONF va très mal. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous le dit et qui nous le prouve. Ensuite, les forêts, il faut reconstruire l'ONF. Le média, Macron drague les fachos au Sénat. Le média, encore le média, eh oui le média, une chaîne de télévision libre, aussi libre que Radio Guimauzo. Le média, la France brade l'Amazonie. Pauvreté, supprimer l'observatoire plutôt que le problème. Eh oui, c'est une solution. Pionnière, Olympe de Gouges. Le média, comment l'État jette les mineurs à la rue. Le média attaque les grandes fortunes et l'État en justice. La France est inflammable. L'hôpital est un détonateur. Voilà, eh bien, bonne soirée et bonne nuit. Bonne semaine aussi. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 11 novembre. Le 11 novembre 1780, au Pérou, le prince Inca Tupac Amaru fait ouvrir les prisons. Il déclare libres les Indiens et les esclaves noirs. 1831, USA. Dans la ville de Jérusalem, en Virginie. Exécution du leader d'esclaves noirs, Nat Turner, avec 19 de ses compagnons révoltés. Au milieu du siècle, il y a environ 3,8 millions d'esclaves noirs chez quelques 350 000 maîtres dans les États du Sud. 1840, Espagne. À Barcelone, première tentative de résoudre des conflits par un système paritaire. 1887, USA, suite à la provocation du Haymarket Square à Chicago. Après le 1er mai, Parsons, Pace, Fisher et Angel sont pendus. 1900, Italie. Une amnistie réduit de moitié la peine des condamnés politiques pour les événements de 1898, l'année terrible pour la bourgeoisie italienne. Plusieurs milliers de travailleurs quittent les prisons. 1917, Russie. Décret sur la journée de 8 heures. La mutinerie contre-révolutionnaire des élèves officiers de Saint-Pétersbourg est écrasée. 1918, France, Allemagne. Foch dicte les conditions de l'armistice à la délégation allemande dans un wagon à Retonde, près de Compiègne. À 12 heures, les hostilités cessent. La Première Guerre mondiale s'achève. L'armée allemande peut conserver 5 000 mitrailleuses pour réprimer toute tentative révolutionnaire. L'armée allemande peut conserver 5 000 mitrailleuses pour réprimer toute tentative révolutionnaire. 1918, Autriche. Le règne des Habsbourg, commencé en 1273, prend fin. 1918 encore, Suisse. Début de la grève générale. 300 000 travailleurs cessent le travail. Le gouvernement mobilise 100 000 soldats contre eux. Les troupes nazies entre en zone libre et occupe l'ensemble du territoire. 1943, France. À Oyonnax, manifestation officielle de la résistance française en territoire occupé par les nazis. Les maquisards défilent par section, déposent une gerbe en forme de croix de Lorraine, sur laquelle est écrit « Les vainqueurs de demain » aux vainqueurs de 1914-1918. 1956, Hongrie. La résistance dans les faubourgs de Budapest cesse. La Hongrie rentre dans le silence. 1975, Angola. Le dernier soldat portugais embarque pour la métropole. L'Angola est indépendante. Une certaine colonisation s'achève. 1979, Chine. Liu Qing, 35 ans, est arrêté pour avoir vendu le texte de jugement d'une prison d'un prisonnier d'opinion. 1979, USA. 40 000 licenciements dans l'industrie automobile. 1981, Nouvelle-Calédonie. Une manifestation anti-indépendantiste à Nouméa rassemble 20 000 personnes. 1983, France. La Fédération protestante de France, réunie à La Rochelle, demande un gel nucléaire, même si celui-ci doit être unilatéral. Viens, viens, c'est une prière, viens. Viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens. Qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme? Qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeint la chambre. Viens, viens, comme avant semble. Viens, viens, vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour moi mon père. Viens, viens, reviens pour ma mère. Viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, tu souris mon père. Viens, viens, tu verras ma mère. Petite revue de presse, si vous assistez. Bon, petite, hein. Chômage, des chiffres encourageants mais à nuancer. Chômage, la tendance du troisième trimestre 2019. Alors, dans la Meuse, toute catégorie, moins 1,5%. Catégorie A, moins 0,7%. Grand Est, toute catégorie, moins 0,3%. Catégorie A, plus 0,5%. Meurthe et Moselle, moins 0,1%, catégorie A, plus 1%. Moselle, moins 0,4%, plus 1,3%. Vosges, moins 0,3%, catégorie A, plus 0,4%. Alors, il faudrait que ceux qui nous gouvernent, ceux que l'on a élus, enfin, que vous avez élus, eh bien, songent que le chômage, c'est un véritable danger pour la société, pas seulement pour les chômeurs, leur entourage, leur famille, leurs enfants, etc. Non, c'est un danger pour toute la société. Rappelons-nous que nous avons 6 millions de chômeurs actuellement en France, en 2019. 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça. Ouais, c'était en Allemagne, en 1932-33. Et savez-vous ce qu'a donné le résultat des élections de 1933 ? Eh bien, un individu qui avait dit qu'il utiliserait la démocratie pour détruire la démocratie a été élu. Voilà. Eh oui, un certain Adolf Hitler. Et ça nous a fait une deuxième guerre mondiale avec entre 60 et 70 millions de morts. 60 à 70 millions de morts pour quelques bulletins de vote qui n'étaient pas tout à fait les bons, qui n'étaient pas du tout les bons. Hein? Voilà. Alors, la dernière fois qu'on a voté en France pour élire un chef d'État, eh bien, président de la République, plus exactement, on a eu à choisir entre la peste et le choléra. Eh oui. La majorité, enfin, une partie la partie moyenne des électeurs, la plus moyenne des électeurs a choisi le choléra. Hein, ils ont laissé la peste de côté. Et oui, et c'est ce qu'avaient fait les Allemands en 1932. Ils avaient voté pour le choléra. Et puis en 1933, ben, ils ont voté pour la peste. L'économie tient le coup. Le coup de frein de l'économie mondiale n'affecte pas encore trop la France, avec une croissance de 0,3% au troisième trimestre. Mais le ralentissement global est durable, prévient l'économiste Laurence Beaune. Voilà. Oui, hein, les choses vont dans le mur, eh oui. Alors là, c'est sûr que ça va faire mal, très, très, très, très mal. Les forces de gauche prêtes à s'unir pour exister. Enfin, dans un contexte politique qui leur est de moins en moins favorable, point d'interrogation, Et point d'exclamation, si vous voulez aussi. Les deux, les forces de gauche se disent prêtes à travailler ensemble en vue des prochaines municipales de mars prochain. Plusieurs réunions entre les différents responsables ont déjà eu lieu sur le sujet. Le consensus est en vue. Voilà. Ah, ben enfin, les gens qui se disent de gauche, qui s'apprêtent à être vraiment de gauche. Ah, oh, ça, c'est nouveau, hein. Ah, vous, ça arrive de temps en temps. Ça dure pas longtemps, mais ça arrive, hein, ça arrive. Alors, ben, souhaitons que ça réussisse, parce que c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière occasion de sauver la démocratie. Cheminons. Les tours de chauffe. Lundi, ça va être chaud, prévient Sudrail, mais le gouvernement s'emploie à faire baisser la tension un mois avant la grève programmée le 5 décembre. 5 décembre, ce sera une date vraisemblablement assez historique. Souhaitons que ce soit une réussite dans l'intérêt de tous, du plus grand nombre de tous, hein, même de Bernard Arnault, hein, même lui, même Macron. Ils ont intérêt à ce que les choses s'arrangent. Mais qu'elles s'arrangent vraiment, pas faire semblant, hein. Pas mettre des cautères sur des jambes de bois. Fiscalité, ce que la France peut réclamer au Luxembourg. Le Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe a adopté mardi une résolution pour une répartition équitable de l'impôt dans les zones transfrontalières. Voilà. Répartition équitable de l'impôt dans les zones transfrontalières. Et ailleurs aussi, hein. Ivrogne et colérique. Ah, bon. Abonnement au téléphone. Ivresse féminine. Mademoiselle Angèle G., âgée de 28 ans, demeurant faubourg d'Ambraille à Épinal, avait tellement levé le coude le 27 octobre que les agents la trouvèrent couchée à 21h40 sur le trottoir de l'avenue Stein. Les agents ne voulurent point exposer Angèle G. aux rigueurs d'une nuit froide et brumeuse et la ramenèrent au poste où elle passa la nuit au violon. À sa sortie, elle fut gratifiée d'un procès verbal pour ivresse publique. Alors, c'était pas hier, c'était pas avant-hier, c'était en 1919. 1919. Voyez, voilà, voilà. Eh oui, la guerre était pas terminée, que la misère continuait. Aucun rapport, vous allez dire. Aucun. Enfin, peut-être. Peut-être que si, peut-être que non. Trump. Est-il toujours favori, point d'interrogation. Il n'a pas tenu la promesse du « Make America Great Again ». Ah bon. Présidentielle 2020, une enquête pour destitution en cours et à chaque jour son rebondissement politico-médiatique. Dans un an pile, le président briguera un second mandat dans un pays plus fracturé que jamais. Ah, tiens, on n'a pas tout dit. Ah oui, mais attendez, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Les États-Unis, les États qui sont unis. Aux États-Unis, tiens, justement, Jane Fonda, encore, entre parenthèses, encore arrêtée en protestant contre le changement climatique. Reconnaissable à son manteau rouge vif, la célèbre actrice Jane Fonda a été arrêtée pour la quatrième fois en un mois ce vendredi à Washington, après une nouvelle manifestation pour protester contre l'immobilisme des responsables politiques face au changement au danger du changement climatique. Cette fois, je vais peut-être passer la nuit en prison, mais ça me va, a assuré l'actrice et militante aux nombreux journalistes venus voir la police lui enfiler des menottes en plastique blanc. Icône du cinéma, devenue depuis les années 1970 une militante pacifiste et féministe, elle s'est engagée à bientôt 82 ans dans le mouvement de désobéissance civile, inspiré par la jeune Suédoise Greta Thunberg. Oui, eh ben, Jane Fonda, c'est quelqu'un. Jane Fonda, c'est quelqu'un. Elle est tout à fait admirable. C'est l'opposé de Trump. Hein. Elle est très, très humaine. Elle est formidablement humaine. Lui, c'est tout le contraire. Mais bon, les gens, ils ont voté pour lui. Voilà. Enfin, un certain nombre d'électeurs ont voté pour lui. Ben oui, c'est des cons. Hein. Ben oui, ben en France aussi, il y a des cons, puisque Macron a été élu. Plaque. Cherchez les femmes. À Épinal, on connaît la place du Général de Gaulle, l'avenue Victor Hugo, le colonel Serrault ou encore le pont Clémenceau. Tous ces lieux de passage portent des noms d'hommes illustres. Mais où sont les femmes? Eh oui. On peut se poser la question, il faut poser la question aux responsables. En 1980, chaque village français avait son école, sa poste. Il y avait des services publics partout, des maternités et des hôpitaux qui couvraient tout le territoire. On avait une dette ridicule et on payait, en comparaison à aujourd'hui, très peu d'impôts. Où est passé l'argent? Où? Voltaire avait raison. Le voleur ordinaire, c'est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre parapluie. Le voleur politique, c'est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire. La grande différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien, tandis que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez pour qu'il vous vole. Et l'autre grande différence, qui n'est pas des moindres, c'est que le voleur ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est plus souvent protégé par une escorte de police. Giovanni Comunisti, Contro il Razzismo, FGCI, Nero e non solo. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. En grève pour votre santé, ça c'était les hôpitaux, ce sera. Non à la fermeture des lits à l'hôpital. Oui à la création de postes toutes catégories confondues. Non à l'hospitalisation dans les couloirs. Oui aux soins de santé et dans la dignité. Non à la violence physique et verbale. Oui à l'humanité au sein de l'hôpital. Non à l'usure des personnels. L'hôpital, c'est vous. C'est nous. Alors, soutenez-nous. Pour nous suivre et nous retrouver, Urgence en colère, Remiremont. Encore un accident de passage à niveau, mais cette fois avec le vice-président de l'Assemblée nationale à bord du TGV. Se montrera-t-il aussi héroïque que le conducteur du train en Champagne-Ardenne? Point d'interrogation, devinez. Vendredi 25 octobre, un TGV a percuté une voiture à un passage à niveau, près de Lamballe, provoquant le décès d'un homme de 71 ans et bloquant plus de 500 personnes confinées à bord. Le député Marc Le Fur, vice-président de l'Assemblée nationale, est à bord. Le voilà qui menace les contrôleurs de pression hiérarchique. Au nez et à la barbe des 500 autres passagers, accompagnés par des gendarmes, il descend du train par la porte de la locomotive réservée au secours pour rejoindre une voiture qui l'attendait en contrebas. Il était pressé. Voilà. Alors, une photo représentant une ancienne ministre voilà, qui est de Nancy. Vous vous souvenez d'elle? Elle est montée dans le train accompagnée par son chauffeur qui portait ses valises à la gare de l'Est. Et lorsqu'elle est descendue à la gare de Nancy, eh bien, elle a porté ses valises, il n'y avait plus personne. Eh oui, elle n'était plus ministre, elle était ancienne ministre. Nadine, comment déjà? Je me souviens plus. Je relaye cette pétition qui circule sur les réseaux actuellement et qui est contre le port de l'abat-jour dans l'espace public. En effet, elle porte un chapeau qui ressemble à un abat-jour. Et oui, peut-être qu'il faudrait faire des manifs contre le port des abat-jours dans l'espace public. Qui sait? Ah, peut-être. Peut-être qu'il faudrait. Oui. Il faudrait peut-être qu'on y pense. Alors, des nouvelles de Bernard Arnault. Hein? Eh oui, vous avez remarqué, il est petit, il est maigre, il est pâle, il est triste. Très riche. Il est immensément riche. C'est peut-être l'homme le plus riche de France et un des trois ou quatre plus riches du monde. Ben, Bernard Arnault, il gagne, tenez-vous bien, 800 euros à la seconde. 800 euros par seconde. À lui seul, il pourrait payer toutes les retraites. Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promène, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne, alors. » Vienne l'âge d'or. Oui, alors le budget général, on ne le votera pas, et celui-ci non plus. Je ne vais pas m'attarder parce que, merci beaucoup, mes collègues à la commission des finances ont déjà donné leur avis. Je signale aux collègues qu'on en est au point qu'il y a un comité de défense de l'existence du ministère de l'écologie qui s'est constitué dans le ministère de l'écologie, par ceux-là même qu'ils le font vivre compte tenu du nombre de postes supprimés et des baisses des budgets. Donc je ne m'étends pas là-dessus. Dans l'action internationale, puisque c'est l'objet de cette commission, j'apprécierais qu'on souligne l'intérêt pour la France d'appuyer le mandat de l'ONU qui a été donné à l'Équateur et à l'Afrique du Sud pour créer un cadre législatif, naturellement il ne sera pas contraignant mais c'est déjà un point de départ, qui oblige les multinationales à respecter les normes sociales, virgule, et environnementales. Je l'indique parce qu'il y a une discussion à l'ONU et que les Américains ont considéré que ça ne les regardait pas et que donc ils ont fichu le camp de là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas obtenu qu'on en change la présidente qui était à l'époque une équatorienne. Les Français n'y sont plus qu'observateurs. Moi, j'estime qu'on peut faire mieux dans ce domaine. Et pour rester sur le rapport lui-même, je voudrais me joindre aux collègues pour saluer la qualité de ce qui est dit concernant les forêts. Et je voudrais d'abord en empruntant, on empruntera tout ça beaucoup parce que là, la France Insoumise va prendre une initiative sur la question des forêts et on appréciera, collègue, de t'y avoir. Et d'entendre ton point de vue, mais je m'en remets à deux des choses qui ont été dites ici. Si la France a tout déforesté, c'est parce qu'à l'époque, la principale richesse était la terre. Bon, on est quand même légèrement dans un autre contexte aujourd'hui. La principale richesse, bien sûr, la terre compte toujours autant, et la terre arable compte, mais il n'y a pas de fatalité à déforester pour faire progresser un pays. Non, ce n'est plus le cas. Les causes sont entièrement sociales de la déforestation, et la première a été le besoin d'énergie, parce que partout où les gens cessent de couper les arbres et les branches parce qu'il y a un accès à d'autres sources d'énergie, par exemple l'électricité, on s'aperçoit que le processus de déforestation freine et parfois s'inverse. De la même manière, moi je te suivrai complètement, collègue, quand tu rappelles que tout ça est lié au commerce international et à des modes de consommation, et rien d'autre, donc uniquement des activités culturelles, humaines, hein, j'allais dire rituelles, mais disons culturelles. Le soja n'est pas la seule protéine végétale accessible au bétail, il y a d'autres protéines végétales, on peut les mélanger d'autres manières sur le terrain, et on n'en a pas besoin des quantités qui sont décrites là, si on arrête de développer le recours aux protéines carnées, parce que le rapport entre une protéine végétale et une protéine carnée est tellement désastreux qu'il en faut des conditions, il en faut des quantités considérables. Je ne dis rien sur le cacao, mais c'est à peu près du même ordre d'idée. Et tu affirmes que 30% de la déforestation, je termine, est due à ce commerce et à ces consommations. Ben voilà, la solution est dans ce point de ton rapport. Un dernier mot, présidente, la France ne se déboise pas, elle se reboise. Alors c'est pour ça, sur la carte, on ne le voit pas. Mais la France se reboise. Alors, elle se reboise naturellement parce que des terres sont abandonnées, mais elle se reboise aussi parce que on a l'ONF qui le fait. Et je vais dire que c'est pas toujours génial ce qu'ils font. Flanquer des sapins partout, c'est pas une trouvaille. Notamment en plaine, parce que c'est pas la place des sapins. Et pourtant, on en plante et on en plante encore, parce que c'est le bois qui donne un rendement financier le plus rapidement en 20 ans ou 30 ans, et que les machines dont nous disposons ne permettent pas de passer des troncs supérieurs à 40 cm, qui est la taille d'un sapin, au bout de 30 ou 40 ans. Donc il y a là aussi un déterminant économique à la manière dont nous gérons la forêt, et je veux dire que l'ONF va très mal, que la gestion de l'ONF à court terme est en danger, et que les personnels de l'ONF sont très malheureux, parce qu'on y observe un progrès des suicides qui est tout à fait inquiétant. Voilà, c'était ma contribution. Merci à ta contribution. Merci, collègue. Monsieur le député. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires. De quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Je n'ai que 5 minutes pour traiter du budget de l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Je crains de devoir être extrêmement succinct. Allons-y. Agriculture. Un paysan se suicide tous les 2 jours. Un tiers dispose de moins de 350 euros pour survivre. Ce bilan est nul. Ce budget aggravera les choses et les accords de libre-échange n'arrangeront rien. Alimentation. La malbouffe généralisée répand des épidémies caractéristiques dans notre population. Depuis le début des années 2000, il y a 2 fois plus d'obèses et 50% fois plus de diabétiques en France. Vous aggraverez cette mauvaise pente par le laisser-faire dans l'agroalimentaire. Pour l'heure, mon propos va se concentrer, c'est le cas de le dire, sur la question de la forêt, en commençant par ceux qui la travaillent. 50 suicides depuis 15 ans. Dont le dernier, vendredi dernier. La malédiction des ouvriers bûcherons, c'est aussi une espérance de vie de 62 ans, 20 ans de moins que le reste de la population française. Pourquoi ? Pourquoi les suicides ? Pourquoi cette espérance de vie moins grande ? La réponse est que les êtres humains ne s'adaptent pas mieux que les bois, les forêts, à l'argent roi. L'argent, ici encore, est en train de tout pourrir, tout détruire. La forêt est fille du temps long, mais elle est actuellement sous la dictature du temps dominant, celui des cycles courts du capital financier. La recherche de la rentabilité impose une technique aberrante. On plante sur des hectares entiers, en plaine ou en montagne, des résineux, tous de la même espèce, et 30 ans plus tard, on coupera. La première conséquence de ce productivisme forestier est une incroyable perte de biodiversité. Sols acidifiés, paysages uniformisés, voilà le bilan. Désormais, plus de la moitié des forêts françaises, plus de la moitié, sont composées d'une seule essence. Et bien sûr, ce sont des écosystèmes variés, endémiques, entiers, qui sont détruits. La France est une grande nation forestière. Les forêts recouvrent le tiers de notre territoire. C'est donc un bon sujet pour qui s'intéresse à l'avenir du pays. Ma collègue et coprésidente Mathilde Panot a lancé une commission d'enquête citoyenne sur le sujet. Ils visitent les forêts en tout lieu du pays, on rencontre tous ceux qui, par leur lutte ou leur travail, savent ce qu'il conviendrait de faire dans ce domaine. Ils savent, nous savons que faire. Une nouvelle sylviculture est à inventer. Cette sylviculture, celle de la gestion durable des forêts, de la diversité des essences, des paysages de feuillus, des machines qui permettent de les traiter, du temps long et des circuits courts. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs qu'à la condition d'affirmer le rôle de l'État, qui a toujours été déterminant dans la gestion de la forêt française et qui va dans la forêt de Joux pour y voir les sapins plantés par Colbert il y a 3 siècles pour la Marine nationale. Ce n'est pas d'aujourd'hui que, sans l'organisateur suprême, rien ne va. Il faut donc reconstruire l'Office national des forêts, détruit après 30 ans de saccage néolibéral. Il a perdu 40% de ses effectifs. Peut-on nous dire pourquoi ? Cet office doit redevenir le fleuron public de la nation pour gérer la forêt comme une forêt et pas comme une rente. Nous avons la troisième forêt européenne. Alors comment se fait-il que nous importons 4 fois plus de meubles en bois que nous en exportons? Le bois qui en France est envoyé dans les usines en Chine, assemblé avant de revenir en Europe, à quoi rime un tel circuit? N'a-t-on pas les moyens de transformer nous-mêmes le bois des forêts françaises? La forêt est une filière d'avenir à condition de relocaliser. Pourtant, le nombre de scieries présentes sur le territoire national a été divisé par 10 depuis les années 60. Un mot pour finir sur la forêt d'Amazonie française. Le projet Montagne d'Or annonce son saccage. Sans changement, dans 2 ans, le palier sera franchi d'une bascule irréversible. Sa disparition sera engagée. Sans elle, ce sont des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone relâchées, des milliers d'espèces qui disparaîtront. Toutes choses sur lesquelles on ne peut pas mettre un prix. Votre budget ne sert aucun de ces objectifs raisonnables. C'est pourquoi nous voterons contre. Merci, cher collègue. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Entrañable transparencia. pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Une société de vigilance. Vous êtes en train de détourner l'appareil d'État pour le mettre au service de vos seules visées partisanes. Il ferait mieux de mettre en place un secrétariat d'État pour la lutte contre l'évasion fiscale. C'est consternant. Le voilement est aussi un signe politique. C'est une fois de plus stigmatisé. Il avait qu'à pas mettre son voile, il n'aurait pas eu de problème. Quelque part, j'ai pas d'opinion sur comment faut pratiquer l'islam. Je vois pas très bien l'intérêt. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Les confidences du président, l'hystérie collective autour du voile, les tripatouillages de la ministre de la Justice et les délires avinés d'un sénateur. C'est dans le numéro 51 du Petit Coup de Bourbon. Emmanuel Macron a donc choisi l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, en kiosque depuis ce matin, pour s'exprimer sur l'immigration, le communautarisme et le voile. Des confidences distillées dans l'avion qui le ramenait de la Réunion plutôt qu'une interview en bonne et due forme. Donc des propos tenus avant l'attaque de la mosquée de Bayonne. Pourquoi Valeurs Actuelles ? Ce titre se situe en effet à la frontière entre la droite extrême et l'extrême droite. Dans l'entourage du président, on affirme qu'il s'agit d'une habile manœuvre caressée dans le sens du poil la frange la plus droitière de l'opinion pour la rabattre vers la majorité. Et puis, rappelle-t-on, d'autres figures de la Macronie se sont exprimées dans ce journal avant le président. Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, Benjamin Griveaux, Florence Parly, Jean-Paul Delevoye, Gabriel Attal. Et même, souligne-t-on avec malice, le député France Insoumise Alexis Corbière en janvier dernier. Encore fallait-il avoir quelque chose à dire pour qu'on ne retienne pas de cette opération présidentielle le seul choix du vecteur. En la circonstance, le discours du chef de l'État se résume à un constat qui emprunte énormément un livre récent, L'archipel français. Son auteur, Jérôme Fourquet, est le directeur du département Opinion à l'IFOP. Comme le sondeur, le président de la République déplore l'émiettement du pays, sans jamais bien sûr questionner sa propre responsabilité, ni celle de ceux qui l'ont précédé dans la destruction du pacte républicain. Morceau choisi. La fabrique de l'intégration par le modèle économique s'est cassée. Cette incapacité s'est muée en mauvaise politique de peuplement, ponctuée de petits abandons républicains. Vous avez des gens qui ne sont pas intégrés, qui sont en sécession de la République, qui se moquent de la religion, mais l'utilisent pour provoquer la République. Mon problème n'est pas la maman qui porte un voile en accompagnant son enfant en sortie scolaire. Celle-là n'est pas perdue. Elle a mis son enfant à l'école publique et elle vient faire une sortie scolaire. C'est même par elle qu'on va reconquérir les personnes égarées. Les radicaux laissent leurs enfants dans l'école de la République quand elle enseigne bien le calcul, éduque, enseigne des valeurs. Il faut revenir à ce modèle-là. Je préfère avoir de la migration légale enregistrée sous quota pendant X années plutôt que du travail dissimulé. Voilà, je vous ai évité de dépenser 5,50 €. Envoyez-les plutôt aux médias, on en a bien besoin. Revenons au chef de l'État. En réalité, Emmanuel Macron ne sait plus comment sortir de cette séquence qui mélange toutes les peurs. Immigration, voile, communautarisme, islamisme. Pourtant, en programmant un débat sur l'immigration à l'Assemblée et au Sénat pour le 7 et 12 octobre, il pensait jouer un bon tour à la droite et à l'extrême droite. Les électeurs de ses familles politiques allaient venir à lui. Mais le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Et le monstre est en train de dévorer son créateur. Dans l'intervalle, en effet, la tuerie de la préfecture de police le 3 octobre a fait dériver le débat vers l'islamisme. Puis le 11 octobre, c'est l'affaire de la maman voilée dans les tribunes du Conseil régional de Bourgogne. La majorité se déchire alors au grand jour. D'un côté, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. De l'autre, le député marcheur, Aurélien Taché. C'est la cacophonie. Enfin, il y a l'attaque de la mosquée de Bayonne par un ancien candidat du Rassemblement national. À force de jouer avec le feu, le président a fini par déclencher un véritable incendie. Mardi, à l'Assemblée, le Premier ministre a bien tenté d'éteindre le sinistre. Dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables, qui ne croient pas la même chose, qui ne se ressemblent pas tous, mais qui sont unis dans les valeurs de la République et dans le respect de la loi. Chaque fois qu'on pointe telle ou telle partie du peuple, on appauvrit la République, nous dit Édouard Philippe. Et il a raison. Mais pointer les gens, n'était-ce pas ce à quoi nous incitait un certain Emmanuel Macron il y a 3 semaines ? Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. On en est là, en pleine confusion, en plein naufrage. Le Sénat, où les Républicains ont la majorité, vient d'adopter une loi interdisant aux parents accompagnant les sorties scolaires de porter des signes religieux. En 2 ans, c'est la 2e fois qu'une telle proposition de loi est adoptée. Elle n'a aucune chance d'être votée par les députés, mais elle en dit long sur le climat. Et voilà maintenant que l'Élysée et Matignon envisagent de nommer un haut-commissaire ou un secrétaire d'État à l'immigration. Il ne s'est trouvé personne à l'Assemblée pour applaudir l'initiative. C'est simple. Il y a les députés qui pensent que cette proposition est plus ou moins stupide. De là en faire un secrétariat d'État, c'est une fois de plus stigmatiser cette problématique-là, qui finalement est une problématique européenne. Je crois que derrière l'immigration, il y a des questions de société, des questions aussi qui concernent l'économique, le social, avec les quartiers, etc. Donc vouloir absolument l'isoler et la confier à quelqu'un en particulier n'est pas nécessairement la meilleure idée. Je ne vois pas très bien l'intérêt en fait, de chercher à enfermer le débat migratoire dans une case. Il y a une question aussi écologique. Il y a tous ceux qui fuient pour des raisons climatiques. Il y a une dimension qui est une dimension internationale, donc affaires étrangères. Il y a une dimension intérieure, sécurité. Il y a une dimension sociale aussi. Donc on le voit bien, en fait, c'est une politique globale qu'il faut conduire et non pas simplement avoir une vision qui conduit à être dans la stigmatisation. Et puis, il y a les députés qui dénoncent une nouvelle opération de com. Il ferait mieux de mettre en place un secrétariat d'État pour la lutte contre l'évasion fiscale et faire en sorte de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État pour répondre aux besoins des Français et pas de trouver des sujets de diversion comme il est en train de le faire avec l'immigration. Ce que je note simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a surtout le verbe haut, on a surtout la parole forte, mais au-delà de ça, on a surtout des actes très faibles. Et donc, il y a un gouffre qui est grandissant entre ces paroles et ces actes. Et je ne suis pas sûr que ce soit la nomination d'un tel ou d'un tel qui améliore les choses pour le gouvernement et pour le président de la République. Bien sûr, on a reparlé du voile dans les couloirs de l'Assemblée. Je ne résiste pas à la gourmandise de vous montrer la députée Valérie Boyer s'exprimant sur le sujet. Effectivement, le voilement est aussi un signe politique. Donc moi, je ne le place pas sur le plan de la religion, mais simplement sur le plan de l'égalité entre les hommes et les femmes, sur ce que signifie aujourd'hui le voilement des femmes par rapport aux hommes. Voilà. Mais qu'a-t-elle autour du cou, bien en évidence ? Une croix. Ça vaut bien un foulard, non ? Disons-le tout net, rien ne lui interdit de la porter, et c'est tant mieux comme ça. Mais l'on me permettra de penser qu'en matière d'égalité homme-femme, le catholicisme a encore bien du chemin à parcourir. Comme toutes les religions du livre. Dernier sujet de réflexion soumis aux députés, la surprenante déclaration le jour même du Conseil français du culte musulman. Le port du voile est une prescription religieuse, mais celles qui ont décidé de s'en affranchir ne sont pas moins musulmanes et restent dans la communauté des croyants. Moi, je suis un élu républicain, je me mêle pas du débat de comment on pratique sa foi. Quelque part, j'ai pas d'opinion sur comment faut pratiquer l'islam. Moi, je ne suis pas favorable au port du foulard à titre personnel. Je veux dire, moi, je ne suis pas croyant et je ne suis pas musulman. Donc, y compris, je trouve malsain que parfois, on demande à des femmes et des hommes politiques de se prononcer sur les choses. Moi, de manière générale, je suis plutôt pour qu'on n'ait pas de signes religieux. Mais une fois que j'ai dit ça, je respecte parfaitement le fait que les gens l'aient. Et je ne demande pas l'interdiction ou je ne demande pas la suppression des signes religieux. De la même façon que, à titre personnel, je n'ai pas mêlé des débats au sein de l'Église catholique ou au sein du judaïsme français. Cette guerre confessionnelle larvée n'a pas sa place dans la République. Ceux qui ont pris la responsabilité de la réveiller nous entraînent vers le pire. Depuis le printemps dernier, la réforme de la justice est en cours. Regroupement de toutes les juridictions, fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, mutation, etc. La semaine dernière, le Canard enchaîné révélait que la garde des Sceaux alignait la suppression des postes de juges d'instruction sur les perspectives de La République en marche pour les prochaines municipales. En clair, pas question de déshabiller les villes où les macronistes avaient un espoir. À l'appui de cette affirmation, un long mail adressé au cabinet d'Édouard Philippe par le cabinet de la garde des Sceaux. Du coup, les séances de questions au gouvernement, à l'Assemblée et au Sénat ont tourné au vinaigre lorsque l'article du Canard a été évoqué. Voilà maintenant un mur des cons directement élaboré par les services du ministère de la Justice en fonction du vote de nos concitoyens en faveur ou en défaveur de Monsieur Macron ou de son parti. Tout ceci est inqualifiable et indigne d'une République exemplaire que vous prétendiez pourtant incarner, Monsieur le Premier ministre. Sans compter qu'il s'agit d'une opération contraire à toutes les valeurs de la République. Vous êtes en train de détourner l'appareil d'État qui doit être au service exclusif de nos concitoyens pour le mettre au service de vos seules visées partisanes. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous, dans ces conditions, encore maintenir votre confiance à une garde des Sceaux qui revendique même de tels agissements inacceptables et scandaleux, alors que dans sa fonction, elle devrait être un garant absolu d'un fonctionnement impartial de nos institutions. Madame la ministre, vous n'avez répondu ni à ma première question, ni à la seconde, ni à la troisième, ni à la quatrième, ni à la cinquième. Vous croyez que c'est habile? Ce n'est pas du tout habile, c'est consternant. C'est consternant parce que reste cette atteinte intolérable à la neutralité du service public de la justice, ce qui n'est quand même pas rien dans notre République et dont vous avez la charge personnellement. À voir le rire qui secouait la ministre, on se dit que la neutralité de la justice n'est vraiment plus la préoccupation de ce gouvernement, si tant est qu'elle l'ait été. Qui ne s'est pas retrouvé un jour dans un de ces dîners de famille où un cousin éloigné débite un tombereau d'insanité à la fin du repas parce qu'il est complètement saoul? Eh bien, ce genre de situation se produit également au Sénat. Et dans le rôle du parent aviné, c'est Jean-Louis Masson, sénateur non inscrit de la Moselle, qui s'y est collé mardi dernier. Le racisme de caniveau à l'état brut. Tendez bien l'oreille au début. Le président de séance, croyant que son micro est éteint, glisse une remarque à ses voisins immédiats qui éclaire la scène. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson. Il avait un... Oui. J'ai cru qu'il n'était pas là. Je voudrais dire que on parle beaucoup des femmes voilées et dans le cadre de cette proposition de loi, mais on ne parle pas du tout des enfants. Et on dit bah oui, les femmes voilées ont le droit, etc. Mais est-ce qu'il est normal que votre enfant, vos enfants, vos petits-enfants, hein, qui sont pas obligatoirement, qui heureusement, je l'espère, ne sont pas habitués à côtoyer de l'obscurantisme voilé, eh bien, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'ils soient encerclés lors des visites, des déplacements scolaires par des femmes voilées qui font du communautarisme? Les mères de famille, bon, bah, on pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Elle avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème. Halloween, on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Mais c'est scandaleux. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Jean-Louis Masson est député de Moselle, un département régi par le Concordat, un régime cultuel qui remonte à Napoléon Ier. Entre autres particularités, un enseignement religieux est dispensé dans le primaire et au collège. Ce qui, on en conviendra, est un acte de prosélytisme nettement plus agressif que le port d'un foulard par une maman musulmane. Mais perdu dans son vin, le sénateur n'y aura pas songé, ajoutant la bêtise à la xénophobie. Merci d'avoir regardé ce petit coup de Bourbon. Pour nous aider, c'est par ici. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand grand soleil d'été qui courbe la Provence. Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, sans l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Avez-vous entendu parler des volte-face du gouvernement français en Guyane sur le dossier de la Montagne d'Or, cette gigantesque mine d'or que compte exploiter le consortium russo-canadien de Norgold et de Columbus Gold? Non? Pourtant, c'est l'un des gros dossiers en Guyane. Un dossier qu'Emmanuel Macron semblait enterrer, mais qui ressurgit très régulièrement. Mercredi 16 octobre, ce dossier s'est encore retrouvé en haut de la pile, lorsque la commission des mines en Guyane a mis à l'ordre du jour la prolongation de 25 ans de ses concessions minières, avant de finalement reporter la décision. Pendant que dans le même temps, les opposants au projet se mobilisent. Je vous propose de décortiquer ces revirements et les tergiversations de la France, parce qu'il y a état d'urgence. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Make our planet great again. Mercredi, la commission des mines a réuni les services de l'État, la DEAL, la DAF, l'ONF, mais aussi des élus locaux, des exploitants miniers, les représentants économiques, des associations et des autochtones pour leur soumettre au vote la prolongation de deux concessions nommées Boeufmort et Élysée, deux concessions de la tristement célèbre Montagne d'Or. Un projet pharaonique, écocidaire, destructeur de l'environnement qui serait, s'il voit le jour, responsable de la déforestation d'un pan de l'Amazonie, alors même qu'on parle de protéger absolument ce patrimoine commun de l'humanité. Je vous invite à revisionner notre reportage d'état d'urgence, Macron, champion de l'écocide, pour aller plus loin à ce sujet. On le rappelle, le président de la République, ce champion de greenwashing qui se prétend champion de la Terre, avait annoncé, après avoir reçu les experts de l'IPBES, les spécialistes de la biodiversité, que le projet de la Montagne d'Or ne se ferait pas en l'état. L'état de l'art du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique. D'ailleurs, cet été, le président de la compagnie Montagne d'Or rappelait dans une tribune du journal Les Échos à quel point il reste déterminé que ce revirement présidentiel ne signifie pas nécessairement la fin du projet qu'il compte bien mener à terme. Tout cela n'empêche pas le chef de l'État de continuer à clamer haut et fort qu'il s'oppose au projet, d'aller à l'ONU, accompagné du président de la collectivité guyanaise, grand défenseur de la Montagne d'Or, soudainement devenu un fervent opposant à la mine. Monsieur le Président, vous avez pris à juste titre la décision de rejeter le projet Montagne d'Or. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais voilà, les faits sont les faits. Et mercredi, la prolongation de ces concessions était à l'ordre du jour. D'après mes sources en interne et selon GuyaWeb et Mediapart, l'État français prévoyait de donner un avis favorable. Oui, favorable, considérant que les réserves estimées en minerais primaires sur la concession de Bœuf-Mort, donc l'une des deux concessions, conduisent à des durées de production qui sont en adéquation avec la durée de la prolongation sollicitée, 25 ans, et que la concession Élysée pourrait être prolongée pour 15 ans. Bref, pour les miniers, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et selon nos informations, à la DEAL, ces deux concessions bénéficieront donc de la prolongation de droit prévue à l'article L144-4 du Code minier et pourront débuter les travaux d'extraction du gisement primaire en 2023. Qu'est-ce qu'il disait déjà le chef d'État ? L'état de l'art du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique. Forcément, j'ai voulu interpeller le gouvernement. Faut dire, ils sont pas faciles à joindre. Aux médias, on les a tweetés. On a demandé pourquoi prolonger les concessions si on compte pas derrière les exploiter. On n'a pas eu de réponse. D'autres ont été plus chanceux que nous. Sur Twitter, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, a répondu à des élus d'Europe Écologie Les Verts que le projet est incompatible avec leurs exigences environnementales. On n'y comprend plus rien. En fait, l'explication vient de Brune Poirson, qui dans un tweet écrit « refuser la prolongation de la concession minière sans mener d'instruction sur la base de critères environnementaux n'est aujourd'hui pas légal et exposerait l'État à un contentieux ». En gros, on est coincé, quoi. Le gouvernement n'a pas le courage de s'opposer à des multinationales et craint d'aller sur le terrain du droit. Droit largement favorable aux miniers. À ce sujet, écoutez Marine Calmé, une juriste spécialiste de ces questions. Tout est fait pour faciliter l'implantation des mines sur le territoire français. Du coup, le gouvernement a très peu de marge de manœuvre pour s'opposer véritablement quand un exploitant trouve de l'or et qu'il a un permis d'exploration. Ça se transforme automatiquement en permis d'exploitation. Selon GuyaWeb, le tribunal administratif de Cayenne a en effet enregistré deux affaires pour deux concessions contre la décision de rejet implicite du ministère de l'Économie. Car oui, toutes les déclarations ont été considérées comme des rejets implicites, mais comme la multinationale considère pouvoir faire la loi, malheureusement c'est souvent le cas. Mais c'est pas la majorité parlementaire et le gouvernement qui sont censés faire la loi normalement? Ben si, c'est comme ça que c'est censé marcher. Finalement, après tout ce tohu-bohu, la préfecture de Guyane a annoncé dans un tweet le report de la décision. C'est pas une première déjà en mars-avril 2017, en plein mouvement social guyanais, deux demandes de renouvellement avaient été jugées incomplètes et irrégulières. Et oui, seule la lutte paye. On a en droit de penser que le gouvernement espérait passer en catimini dans l'opacité qu'il caractérise et a reculé au dernier moment parce que l'information a fuité. Ça la foutait mal. On note qu'une expertise juridique a été demandée par l'État puisque toutes ses promesses ressemblent à un rejet implicite du projet et amateur comme il est, le gouvernement ne sait en réalité pas comment procéder. Suite au prochain épisode. Alors pour qu'on puisse continuer à parler d'écologie sur le média et à réaliser ce programme, état d'urgence, il va falloir nous soutenir en faisant des dons ou en devenant sociaux. C'est par là. Complicité dans la débile, la méquette dans la mafia, un coup sourdine de succombine et t'avais ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines, et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourriche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème, et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en trachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Nicole Ferroni, on oui. dit que vous êtes contente ce mais matin. Mais oui, je suis contente. Enfin, je l'étais et même super contente avant d'arriver ici, puisqu'au détour des informations, j'ai lu cette semaine la bonne nouvelle selon laquelle l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale allait enfin être supprimé dès l'an prochain. Et je me disais donc, mais voilà une excellente nouvelle, car j'imagine que la pauvreté, l'exclusion, c'est un peu comme les oiseaux. Tu ne mets pas un observatoire là où tu es sûr de ne pas en voir. Et donc sûrement que si le gouvernement veut supprimer cet Observatoire de la Pauvreté et l'Exclusion, c'est parce que pauvreté et exclusion ont elles-mêmes été éradiquées. Et j'étais donc heureuse ce matin de savoir qu'il n'y avait plus de pauvreté en France, d'autant que c'était une promesse du président, le fameux zéro SDF au bout d'un an. Et je sifflotais donc dans le métro, contente d'aller dire cette bonne nouvelle dans ma chronique. Sauf que justement, en arrivant dans le métro, qu'est-ce que je vois ? Paf ! Des gens qui dorment dans le métro et dans la rue, autrement dit, encore des pauvres et des exclus. Alors évidemment, je ne les réveille pas pour leur demander ce qu'ils font là malgré l'éradication de leur état, car il était 6h du matin et qu'à 6h du matin, ce n'est pas poli de tirer les gens de leur lit, surtout s'ils n'ont pas de lit. Mais je trouve finalement la raison dans un autre article de cette semaine qui explique que s'il y a toujours des pauvres en France, c'est parce que la pauvreté et les inégalités n'ont pas été supprimées mais ont au contraire augmenté en 2018. Autrement dit, notre pays qui s'était donné pour mission de lutter contre la pauvreté va en supprimer l'observatoire sans en supprimer le problème. Et là, je me suis mise à la place de l'observatoire de la pauvreté et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais c'est comme si moi, j'assistais dans la rue à l'agression d'une personne qui se fait dépouiller devant mes yeux, et que voulant le dénoncer à la figure d'autorité, la police, ou plutôt le gouvernement, il se passe la chose suivante. Bonjour monsieur l'agent, voilà, je suis l'observatoire de la pauvreté, et écoutez, je viens de voir une femme se faire agresser, dépouiller en pleine rue, elle est tombée en pauvreté devant mes yeux, et en qualité d'observatoire de la pauvreté, je viens donc le dénoncer pour que vous fassiez quelque chose. Lui, ah mais franchement madame Ferroni, vous avez bien fait, je m'en vais de ce pas chercher un pic à glace. Moi, un pic à glace parce que vous comptez neutraliser l'agresseur avec un pic à glace. Mais non, madame Ferroni, le pic à glace, c'est pas pour l'agresseur, c'est pour vous, afin de vous crever les yeux un à un, plop plop, de façon à ce que, perdant la vue, vous ne soyez désormais plus gêné par la vue de ce type d'agression. Moi, mais attendez, monsieur l'agent gouvernement, je viens dénoncer une agression et vous, vous me proposez en retour de m'agresser. Alors déjà, ça va pas. Et puis surtout, moi, si je viens vous voir, c'est pour qu'on supprime les agressions et les dépouillements, pas pour supprimer le fait que je le vois, ça n'est pas du tout pareil. Ouais, mais franchement, madame Ferroni, au niveau des chiffres et de la com, c'est quasi la même. Parce que si je veux vraiment supprimer les agressions et les dépouillements, ça veut dire va falloir que je sorte, j'arrête le mec, que trouve les preuves, fasse l'enquête. Ah, c'est sûr, c'est mieux. Mais ça prend du temps. Alors que là, regardez, je vous crève les yeux en deux, plop, plop. Le dépouillement, vous ne le voyez plus. Vous faites donc moins de signalements et avec un peu de chance, la victime aussi. Et par voie de conséquence, ça fait baisser mécaniquement le chiffre du dépouillement, même si les dépouillements persistent. D'où l'intérêt. Et bien justement, non, je ne comprends pas l'intérêt de s'attaquer moins à un problème qu'à celui qui en parle. De s'attaquer moins à la pauvreté qu'à son observatoire, de s'attaquer moins à la pénibilité du travail qu'aux instances censées y veiller, puisqu'en 2020, les comités hygiène, sécurité des conditions de travail des entreprises seront supprimés elles aussi, ou de s'attaquer moins à la corruption qu'à un magistrat comme Eric Halt qui cherche à la dénoncer. Car ça veut dire quoi ? Que si je continue moi à raconter des problèmes avec ma langue, on risque de s'attaquer à elle plutôt qu'à eux, et ben franchement... Merci Nicole Ferroni. Thank you. Les femmes ont été partie prenante de la Révolution française, seules quelques-unes ont pris publiquement position. Parmi elles, Olympe de Gouges, auteure prolifique et politiquement engagée. Pionnière, BNF Gallica raconte celles qui ont fait l'histoire. En 1748, Olympe de Gouges naît à Montauban dans un milieu bourgeois. Mariée à 17 ans contre son gré, elle décide de rester veuve après la mort de son époux, ce qui lui permet de publier librement ses écrits. En 1770, elle rejoint la capitale. Soutenue par son compagnon Jacques de Rosière, elle intègre les salons parisiens. Ses libres fréquentations lui valent d'être accusée de courtisanerie. Auteure prolifique, elle développe dans ses œuvres des idées politiques en faveur des droits des femmes et contre l'esclavage. À 33 ans, elle écrit une pièce de théâtre qui dénonce l'esclavage. Elle reçoit des menaces de mort. Olympe de Gouges défend la création de maternité, le droit au divorce, la libre recherche de paternité, la reconnaissance des enfants illégitimes. Elle appelle à la création d'un impôt patriotique, défend l'idée d'une monarchie constitutionnelle et propose d'ambitieuses réformes sociales. La Révolution est l'occasion de s'imposer dans le débat d'idées. Olympe de Gouges dénonce l'exclusion des femmes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle adresse directement à Marie-Antoinette. Progressiste, Olympe de Gouges appartient au courant modéré des Girondins. Défavorable au procès de Louis XVI, elle propose son aide pour la défense du roi. Le 2 novembre 1793, elle est convoquée devant un tribunal après avoir pris position contre Robespierre et Marat. Elle est guillotinée le lendemain. Olympe de Gouges laisse un testament politique dénonçant la violence aveugle de la terreur. Virago, femme-homme, impudente. De son vivant comme après sa mort, elle a fait l'objet des attaques les plus virulentes. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Monsieur, une cigarette, une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devines pas la cause. que je te demande une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise ni de boudoré, c'est ta balade, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Tu ne fumes pas, bah t'en as de la chance, c'est que la vie pour toi c'est du velours. Le tabac c'est le baume, la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, on me parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La rouquine, qui était une pocharde, a donné son âme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco, quoi, c'est mon vice à moi, le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, au fait, je vais vous le dire, c'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche. Pour parler d'un sujet comme les mineurs isolés étrangers, nous avons besoin de temps, et donc d'argent. C'est le nerf de la guerre. Pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lesmediatv.fr. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, tout le monde, vérifier les gens qui avaient leur rendez-vous à 14h. Des dizaines de migrants se pressent aux portes de ce centre de la mairie de Paris, géré par la Croix-Rouge. Ce sont des mineurs étrangers isolés, des jeunes qui ont rejoint Paris et qui n'ont pas de famille dans la capitale. Le DEMI, dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, est un passage obligé pour eux. La France a en effet l'obligation de prendre en charge et protéger ces personnes si elles sont mineures. Mais très souvent, le DEMI refuse de reconnaître leur minorité, ce qui les exclut des dispositifs d'accueil et les condamne à l'errance pendant des mois, voire des années. Pourquoi se retrouvent-ils dans cette situation ? Les structures d'évaluation et d'accueil sont-elles défaillantes ? Au vu de la situation, un réseau d'associations s'est mis en place pour aider les jeunes dans leur démarche. On est devant le DEMI, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, qui est en fait le lieu où les mineurs arrivant en France se font évaluer. C'est à la base une compétence du département qui, à Paris et dans d'autres grandes villes, est déléguée à une association ou à une autre entité. À Paris, c'est donc la Croix-Rouge qui s'occupe de ça. Donc nous, notre rôle en tant qu'association, comme d'autres associations qui viennent ici, c'est de les orienter, de permettre d'avoir un suivi pour ces jeunes et qu'ils aient connaissance de leurs droits en fait et qu'ils les fassent valoir. Pour ces jeunes, c'est une évaluation d'une importance capitale. C'est ce seul entretien qui va déterminer leur destin. Un entretien pourtant expéditif, dont l'importance et le déroulement échappent à la plupart de ces jeunes. Comment s'est passée l'évaluation ? Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Ouais, l'évaluation, c'est un peu très bien. très bien passé, je peux dire. Ils nous ont demandé comment on a pu arriver en France, par quels moyens et pourquoi on a pu fuir notre pays. Voilà. Moi aussi, j'ai expliqué. Ouais, c'est un peu ça. Et combien de temps ça a duré, votre évaluation, à peu près? À peu près, bon, je peux dire quelques minutes. Hein, et on n'a pas bien calculé. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a remis comme papier? Ouais, on m'a remis un papier là, des refus. Nous avons le regret de vous faire savoir que cet entretien ne permet pas de conclure à votre minorité, dans la mesure où l'activité professionnelle que vous avez exercée dans votre pays n'est pas compatible avec l'âge que vous déclarez. Le fort degré d'autonomie et de maturité dont vous avez fait preuve en effectuant seul votre parcours migratoire n'est pas compatible avec l'âge que vous déclarez. Il est même question de posture d'ensemble et de mode de communication mature qui sont en décalage avec ceux de l'âge que vous déclarez. Moi, je ne comprends rien dans ça, mais ça veut dire quoi ? Les refus, c'est jamais personnalisé, dans le sens où ils ont, je pense que c'est une dizaine de phrases qu'ils vont mettre à chaque fois, selon ce qu'ils vont considérer. Souvent, ça, on voit les étapes en fait, de l'entretien avec les phrases du refus, notamment la scolarité ne correspond pas avec l'âge que tu nous donnes, ou alors ton récit est trop détaillé, comme s'il l'avait préparé. Mais en même temps, s'il n'est pas assez détaillé, il va y avoir le récit n'est pas assez détaillé. C'est ça qui est hyper contradictoire. Et après, on a le classique posture et langage trop mature pour être mineur. La personne qui vous a remis cette lettre vous a expliqué ce qu'il y avait dedans ? Non. Il m'a pas expliqué, il m'a juste donné. Je peux aller au tribunal, c'est tout. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez ce refus ? Bon, là, je suis là. Bon. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon. Je sais pas, il y a rien à faire. Parce que j'ai pas de place, Les gens, si ils m'ont proposé d'aller chez MSF, bon. C'est ça, je vais voir si c'est comment. Mais comme ils me disent aussi que ça peut prendre beaucoup de temps, moi, je dors dans la rue, je sais pas comment faire. Et vous avez un lieu où dormir, sinon ? Non, j'ai pas. Je suis isolé, j'ai personne, moi. Comment se déroulent ces évaluations ? Et sur quels critères se base-t-il pour établir la minorité de ces jeunes ? Pour le vérifier, nous avons équipé d'une caméra cachée un jeune journaliste de la rédaction, afin de lui faire passer un entretien d'évaluation. Nous avons préparé son récit au préalable, un récit comme tant d'autres. Émigré seul de la République centrafricaine, il s'est d'abord installé chez une tante, en banlieue parisienne, à Asnières, avant d'être chassé de chez elle. Compte tenu de l'enjeu, c'est un entretien extrêmement rapide. Au total, il aura duré 17 minutes. Moi, je t'appelle, t'as les documents. C'est combien de temps que t'es en France ? 3 mois que t'es en France. Et tu dors où ? Est-ce que t'as envie de venir ici ? Ton père, il sait pas comment. Ta mère ? T'as aucun document, tu m'as dit. Comment t'arrives en France ? T'arrivais quand en France ? Exactement. Il y a 3 mois, c'était au mois de juin. T'as de la famille à Asnières, c'est ça ? Non, que à Asnières. Ta famille, c'est-à-dire ta tante, ton nom. Pourquoi ils t'ont dégagé, comme tu dis ? Ta mère, elle est vivante ? Elle travaille, ta mère ? Est-ce que tu connais l'âge de ta mère ? Mon père, il a quel âge ? Travaille ? T'as des frères et sœurs ? Une grande, petite ? Et t'es à l'école ? Et t'as arrêté l'école à quel âge ? C'est en quelle année ? Pourquoi t'as quitté mon pays ? À cause des conflits qu'il y a eu avec les Seleka et les Balaka. Qui a payé ton voyage ? Vous avez voyagé à combien ? T'as quitté quand, ce truc ? Et tes parents, ils sont où ? Quand t'es arrivé en France, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu sais pourquoi t'es venu ici aujourd'hui ? Trouver un logement. Trouver un logement et vite avoir une situation pour pouvoir reprendre mes études. Donc je t'explique. Mélanie Duvernay-Prête est avocate à l'antenne des mineurs du tribunal de Paris. C'est ici que les jeunes, qui ont été recalés par la Croix-Rouge, viennent constituer un dossier pour faire appel de la décision auprès du juge des enfants. Soit tu te rends à Asnières, tu te rends en mairie, une assistante sociale qui va pouvoir t'aider pour tes démarches. La mairie d'Asnières, il lui dit d'aller à Asnières. D'accord, tu lui dis que tu as ta famille ici, mais qu'ils t'ont mis dehors. Une fois, tu passes par le juge des enfants. Ici. Donc là, en fait, le jeune lui a expliqué qu'il avait été hébergé par une tante éloignée à Asnières. Il lui dit, ou sinon, tu te rends à la mairie d'Asnières et tu demandes à une assistante sociale de t'aider. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Alors quand effectivement j'ai vu que le travailleur social du Demi Croix-Rouge lui proposait d'aller à Asnières, j'ai trouvé que cette pratique un petit peu choquante. Ça m'a fait sourire un petit peu jaune. Parce que je trouve que c'est une manière de sortir les jeunes des statistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en assistance éducative et au niveau des mineurs non accompagnés, c'est le département qui prend en charge le coût du mineur. Et si le mineur n'est plus à Paris, c'est plus le département de Paris qui prend en charge le coût financier, ça sera le département autre. Donc je trouve que c'est une manière un peu choquante de dire, bah, si, et puis aussi de, si tu ne trouves pas ce qu'il te faut ici, bah, va dans un autre département. On ne fait pas du supermarché. Cette séquence, qui est une partie de l'entretien, l'entretien lui-même a duré moins de 17 minutes. Ce premier entretien, d'accord. L'évaluation à l'issue flash. Duquel on lui a dit qu'il n'était pas mineur. Je considère que faire une évaluation de 17 minutes ne correspond pas à l'article de la loi, puisque la loi nous dit qu'il nous faut une évaluation pluridisciplinaire, l'évaluation psy, l'évaluation éventuellement sur les documents, l'évaluation sur la situation, rechercher effectivement le parcours d'exil du jeune, rechercher par rapport à sa famille. Et je ne suis pas sûre qu'une évaluation où on coche des cases comme un QCM soit suffisante, parce qu'un parcours d'exil, c'est toujours douloureux. On ne peut pas confier à quelqu'un son histoire en 17 minutes. Et je ne pense pas qu'en 17 minutes, on puisse évaluer une minorité ou une majorité. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font en 17 minutes, du coup, si ce n'est pas possible ? Il faut interroger le département de Paris. Et vous avez une idée où qui voyait défiler tellement de jeunes Non, je vais pas aller. Non, on peut continuer à conserver des liens. Non. Vous couperez tout ça. Tout sera noté en fait demain dans ta lettre. Et le juge, il va voir s'il peut t'aider en tant que mineur en fait. Il va prendre en compte tout ce que tu m'as dit. C'est lui qui va décider s'il dit que je suis mineur. S'il peut t'aider ou pas. Combien de temps s'écoule en moyenne, j'imagine que c'est variable, entre le moment où il se fait remettre cette lettre et le moment où il a la réponse du juge? Donc, le jeune qui sort du Demi Croix-Rouge avec sa lettre de refus du département de Paris vient effectivement à l'antenne des mineurs. En général, il vient très rapidement. Et l'avocat, en principe, rédige la requête immédiatement. Ensuite, la requête est envoyée au greffe du tribunal pour enfants. Et la première audience, en principe, je dirais entre 3 et 6 mois. D'accord. Et pendant ces 3 à 6 mois, qu'est-ce qui se passe avec le jeune ? Ben rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire ? Alors effectivement, entre le moment où la saisine est faite et le moment où le jeune rencontre le juge pour la première fois, malheureusement, le jeune est à la rue. Entretien expéditif, refus quasi systématique. Pourquoi ce dispositif, censé prendre en charge ces jeunes, les pousse au contraire vers la rue? Pour répondre à cette question, nous avons interviewé un travailleur de France Terre d'Asile. Par peur de perdre son poste, il a souhaité garder l'anonymat. Alors moi, je travaille dans les hôtels où ils sont hébergés en attente de leur évaluation par la Croix-Rouge. En fait, la Croix-Rouge nous a demandé de leur signaler les jeunes manifestement mineurs présents sur les hôtels, donc c'est-à-dire uniquement en se basant sur leur physique, leur visage, pour accélérer les démarches pour eux. Donc c'est une bonne chose pour eux, mais qui en même temps est la preuve que la Croix-Rouge base principalement ses évaluations sur le faciès, en fait. Et ce qui est absolument illégal et ce que la Croix-Rouge se défend totalement de faire. Et cette consigne, est-ce que tu peux me réexpliquer d'où elle vient et comment elle est arrivée jusqu'à toi? Bah, c'est la Croix-Rouge qui a communiqué ça à nos chefs de service, qui nous l'ont communiqué, nous, à l'oral, en nous disant de leur faire remonter les jeunes manifestement mineurs. Et tu peux me parler des quotas et de ces vagues que tu remarques, de refus ou d'acceptation? Officiellement, personne n'a jamais prononcé le mot quota, mais ce qu'on observe, c'est que assez souvent, normalement, il y a de temps en temps des jeunes acceptés et de temps en temps des jeunes refusés. Et de temps en temps, il y a genre 2 jours où tous ceux qui doivent avoir leur réponse sont acceptés, 2 jours où ceux qui doivent avoir leur réponse sont refusés. Et ça rejoint en fait ce qu'on entend parfois en off ou des trucs qui se murmurent, un peu des bruits de couloir, comme quoi c'est budgétisé par le département, combien de jeunes peuvent être pris en charge par l'ASE, et que du coup ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre parce que ça reviendrait trop cher. Donc il y a un nombre, un seuil un peu de jeunes à maximum à accepter. Une prise en charge, ça veut dire hébergement, scolarisation, formation, nourriture, enfin, ça coûte de l'argent de fait. un mineur qui est à la rue, bah, il coûte moins cher qu'un mineur qui est pris en charge. Bah, du coup, il faut bien faire le tri entre ceux qu'on prend en charge et ceux qu'on prend pas en charge. Et la Croix-Rouge a accepté de faire ce taf pour l'État. Tandis que la Croix-Rouge et la mairie de Paris manquent gravement à leur mission, les associations comme Utopia 56 s'organisent comme elles peuvent. Normalement, c'est vraiment hyper clean. Et... Non, bah non. On stocke en fait les dons classés par ce que c'est, quoi. C'est difficile de trouver des tentes, des matos comme ça, ou vous y arrivez quand même? Ça dépend. On a des périodes où on peut pas se permettre de donner de tentes parce qu'on en a plus. Et, ou alors on en a qu'une et on a quatre jeunes à équiper et on va pas faire le choix de qui, donc voilà. Après, on fait des collectes chez Decathlon tous les samedis. Ce qui nous permet de collecter des sacs de couchage, des tentes, des choses comme ça. Et il y a des périodes, ça, vu qu'on dépend intégralement des dons, bah, ça dépend. Est-ce que tu peux bloquer la porte, Maya? Ah, elle fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, la t-shirt. Mamadou fait partie de ces jeunes mineurs refusés par la Croix-Rouge. Aucune solution d'accueil ne lui a été proposée, en attendant son passage devant le juge des enfants. Waouh, belle villa! C'est bon. Ça, c'est la villa des États-Unis. Je m'appelle Mamadou Ba, j'ai 16 ans. Tu m'as raconté que tu as été agressé. Oui. Tu peux un peu me raconter ce qui s'est passé? J'ai croisé des jeunes français. Je leur ai demandé s'ils connaissent l'endroit où dormir. L'autre est venu derrière moi, il m'a dit « Il y a quoi dans ton sac ?» Après, elle m'a dit « Sale noire, il y a quoi dans ton sac ?» J'ai dit « S'il te plaît, je t'ai demandé si tu connais l'endroit ici où dormir, tu vas m'aider. » Après, son ami est venu directement. Il m'a mis quelque chose sur mon visage. Ça piquait même jusqu'à présent. J'ai des mal comme ça. Mes yeux. J'ai un problème de yeux en plus. Mon cœur aussi, ça fait. J'ai mal au cœur encore. Ici même. Si. J'ai même mal ici même. Après, on m'a agressé encore. Je ne sais pas si c'est le couteau ou bien on m'a poignardé dans toutes mes côtés bras de bras ici même. Si. Je ne savais même pas là où j'étais. Je me suis retrouvé à l'hôpital. J'entendais dire le docteur, ça pique comme ça, ça pique. Ça pique sur mes yeux comme ça. Même eux-mêmes, ils sentaient gaz. Mes yeux, c'était... Je ne sais même pas, j'étais inconscient. Je ne me souviens plus, rien du tout. Mais du coup, en tant que mineur, ouais, tu devrais être pris en charge et tout. Pourquoi tu es toujours ici, en fait? Parce que je ne sais pas de quoi je suis ici même. Je ne sais rien de quoi même je suis ici même. Ceux qui savent sont ailleurs. Au siège parisien de France Terre d'Asile, nous retrouvons son président, Pierre Henry. Depuis 7 ans, il dirige la plus grande organisation d'aide aux migrants de l'Hexagone. Aujourd'hui, le vrai sujet, il est lequel? Il est que la plupart des départements sont en train de restreindre la nature de leur prise en charge. Parce que ça coûte cher. Vous aviez en 2014 4000 mineurs qui étaient recensés dans l'ensemble des départements de France. Vous en avez 25 000 aujourd'hui. Et dans le moment populiste dans lequel nous sommes, certains ne se gênent pas pour dire qu'une prise en charge d'un mineur isolé étranger à 45 ou 50 000 euros par an, c'est onéreux. Mais si l'idée derrière, c'est de dire... Toute personne qui se présente, qui est mineure, qui se dit mineure, doit être prise en charge dans un dispositif de minorité, pour mineurs, on ne va pas y arriver. N'attendez pas de moi la moindre critique publique vis-à-vis de la Croix-Rouge. Non pas parce que je veux protéger la Croix-Rouge, mais parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est facile de tirer sur le pianiste. Oui, il faut travailler à l'amélioration du dispositif, il faut travailler à une meilleure évaluation, oui, tout ça est vrai. Ensuite, qu'il y ait des règles du jeu, ben oui, c'est normal. Je m'appelle Corinne Thor, je suis responsable de la mission France pour Médecins Sans Frontières. MSF a décidé d'ouvrir des programmes pour les mineurs isolés, exclusivement déboutés de leur minorité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs. Nous avons décidé de nous impliquer sur le sujet pour les aider sur un plan juridique à pouvoir contester cette décision d'une évaluation qui est faite à l'emporte-pièce. Et qui les oblige finalement à ne plus être considérés ni comme mineurs ni comme adultes et à devoir rester dans la rue. On a plutôt tendance à vouloir considérer ces jeunes comme des migrants avant d'abord comme des mineurs. Donc on va les traiter comme des migrants et ensuite éventuellement essayer de réfléchir au fait qu'ils sont mineurs et qu'ils ont besoin d'être vraiment protégés. Les risques pour ces jeunes, c'est comme au départ déjà, hein, c'est de les laisser dans une grande vulnérabilité. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi le système juridique est si long. Ils ne comprennent pas. C'est tellement compliqué, même pour nous. Donc ils décompensent. Donc le risque, ça peut être des tentatives de suicide. Ou alors ça peut être le fait de dire on n'a pas confiance et on repart. On reprend la route, on tente notre chance dans un autre département. Je pense qu'il faudrait que chacun entende que l'objectif, ce n'est pas finalement de dire ce mineur il est mineur ou il n'est pas mineur, quelque part on s'en fout, cette personne-là, ce jeune, est en précarité et qu'est-ce qu'on en fait ? Quelques jours après cet entretien, Médecins Sans Frontières a publié un rapport sur les mineurs non accompagnés à Paris. Dans ce rapport, on lit que depuis 2018, Médecins Sans Frontières a aidé plus de 400 mineurs à faire appel du refus de leur minorité auprès du juge des enfants. Parmi ceux qui ont pu obtenir une décision finale, 55% ont été reconnus comme mineurs par un juge. Ce qui veut dire que le dispositif géré par le département se serait trompé dans plus de la moitié de ces cas. Nous avons à plusieurs reprises proposé aux responsables du DEMI et de la mairie de Paris de réaliser une interview, en vain. Dans un mail, l'attachée de presse de Dominique Versigny, adjointe à la mairie chargée de la protection de l'enfance, nous a communiqué que, même si tout système est perfectible, le département de Paris fait aujourd'hui plus que n'importe quelle autre collectivité. Le flux de jeunes passant par le DEMI parisien sont en forte évolution. Il aurait été en effet multiplié par 4, passant de 2000 évaluations en 2016 à presque 8000 en 2019. Pour répondre à cette situation, la mairie de Paris a réuni un groupe de travail afin de monter encore en qualité sur les évaluations du DEMI. C'était en 2017. 2 ans se sont écoulés depuis. Entre la lenteur de la justice et la pesanteur des politiques, des milliers de mineurs ont fêté leurs 18 ans dans les rues et l'errance. Merci d'avoir regardé ces programmes. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires. Et pour nous soutenir, c'est par là. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Le médecin en chef passe devant les lits. Numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite lit? C'est la blessée qu'on amène à cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je sonde votre blessure. 2 coups de couteau, près du cœur, y a plus de sang. Non pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. docteur reprit, vous portez une médaille. C'est un cadeau sans doute de votre amant. Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille, de l'homme sans cœur qui trompa ma maman. Laissez-moi lire André Marie-Thérèse, mais je la reconnais, cette médaille en argent. Et cette date, avril 93, laissez-moi seule, je veux guérir cet enfant. Vous me regardez tous avec des grands yeux, c'est mon devoir de soigner les malheureux. On l'appelle l'hirondelle du faubourg, ce n'est qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Le numéro 13, toujours 42 fièvres. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je vois la vie s'échapper de ses lèvres et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes, mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. Lave-la qui passe, écoute, retiens ton âme. Je suis ton père, ma fille bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis un malheureux. Vous, mes élèves, écoutez, je le veux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. C'était une pauvre fille d'amour. Et un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à notre appel. Un long chemin reste à parcourir, mais grâce à vous, aujourd'hui, la première étape pour contraindre ces multinationales et ces milliardaires à nous livrer leurs comptes et enquêter sur les raisons pour lesquelles ils jouent les dissimulateurs a été franchie. La barre des 30 000 euros a été atteinte en 4 journées. Nous répondrons à tous ceux qui ont laissé un mot ou une adresse mail. Votre détermination et la nôtre sont essentielles dans cette histoire, car nous affrontons des géants qui se jouent des lois et n'ont aucune considération pour notre initiative. Au mieux, ils se montrent indifférents. Au pire, ils envoient des émissaires pour nous donner de ridicules leçons d'économie. D'ailleurs, dans son propre journal, Bernard Arnault a demandé à un de ses éditorialistes d'écrire un papier sur nous pour dénoncer notre initiative. Grâce à cet argent, cependant, nous avons contacté des avocats et une première assignation a été lancée contre Bernard Arnault S.A. Le député communiste Fabien Roussel et François Ruffin nous ont annoncé leur soutien et ont aussi soutenu l'opération financièrement. Mais nous allons aussi lancer une assignation contre la plus grosse filiale du groupe Lagardère. Nous lancerons ensuite, toutes les trois semaines, une nouvelle assignation contre H51, la holding de la famille Hermès, Lagardère S.A.S., Webedia du milliardaire Marc Ladrette de La Charrière, le Club Med, les Mutuelles de Bretagne, Sisley, British Steel Saint-Saulve, Blablacar. Donc d'ici janvier, ces 10 multinationales et sociétés auront été assignées en justice à rendre des comptes, littéralement, et on va regarder ça de très très près. Nous allons donc continuer à demander les comptes selon le planning que nous venons de vous expliquer. Tous ces comptes, quand on va les obtenir, c'est des milliers de pages analysées et des éléments à vérifier, des questions à poser, c'est-à-dire un travail d'investigation journalistique important à réaliser. Le média, grâce à votre aide, peut me rémunérer pour que je puisse superviser toutes les enquêtes, mais en plus de cela, nous allons travailler avec des journalistes d'investigation et des médias partenaires. Il faut donc continuer à nous aider. Nous n'en sommes qu'à la première étape. Alors qu'il a besoin de journalistes supplémentaires, le média ne pourrait, même avec votre aide, jamais en embaucher assez. C'est pourquoi nous avons décidé d'associer d'autres médias indépendants. Nous avons commencé à discuter avec certains. L'idée étant de mobiliser pour chaque affaire un média avec qui nous travaillerons de manière commune pour que toutes ces informations puissent aboutir à des données claires et des révélations sur les pratiques ultra opaques de ces multinationales et surtout la manière dont elles ont utilisé l'argent public, en particulier du CICE. On va donc maintenant déposer les assignations pour les premiers comptes et cela pourrait prendre un peu de temps, entre 3 à 6 mois. Le temps judiciaire est long pour que la justice contraigne les multinationales à publier leurs comptes. Une fois les assignations déposées, les comptes obtenus, nous sortirons les premières révélations, fruits de nos enquêtes sur ces comptes. Nous vous tiendrons informés de toutes les étapes et avancées. Publiquement via le média, et si vous avez fait un don et bien signalé que c'était pour ces procédures, nous vous tiendrons informés par des mails réguliers. C'est grâce à votre aide que nous y parviendrons tous ensemble. Il faut mener cette bataille tous ensemble. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne fut pas manqué grâce à nos canonniers. Dans un lac à Magnole, vive les sons, vive le son. Dans un lac à Magnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Plus t'es pauvre chez nous, plus de riches t'es fou. Dansons la Camagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Camagnole, vive le son du canon. Qu'est-ce qu'il en républicain, qu'est-ce qu'il en républicain. Du fer, du plomb, aussi du pain, du fer, du plomb, aussi du pain. À nos yeux, ce PLFSS, projet de loi de finances sur la sécurité sociale, n'est pas un texte innocent. Il s'inscrit dans une logique, fait après fait, de rupture avec l'ordre social issu du Conseil national de la Résistance et dès lendemain de la guerre et de la victoire des nôtres. J'en prends un exemple. Le pire, sans doute, du texte est d'avoir décidé que les mesures d'exonération sociale de cotisations sociales, décidées par le président de la République comme réponse au mouvement des Gilets jaunes, seront mises à charge du budget de la sécurité sociale. Il n'y aura pas la compensation, je me rappelle parfaitement du moment où cette loi avait été votée, où Mme Veil, avec toutes sortes de précautions, avait indiqué que c'était maintenant une règle d'or qui serait toujours respectée, ce serait compensé à l'euro près. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale appartient aux travailleurs et aux cotisants. C'est d'année en année qu'on a renié les pouvoirs de ces cotisants. Et là, on arrive maintenant à une situation dont je suis certain que vous allez la pérenniser. Dorénavant, ce sont les salariés qui se paieront sur leur budget de sécurité sociale ce que le gouvernement et lui seul aura décidé concernant telle ou telle catégorie dans le pays et des exonérations qu'il jugerait utile de faire. Ce n'est pas acceptable, c'est une rupture. Peu m'importe que dans le passé, ici ou là, il y ait eu déjà recours à de telles méthodes, c'est vous. Et vous, on vous connaît. On sait que vous ne faites pas ça, pour une fois, vous le faites pour que ce soit toujours. Comme vous avez supprimé, vous avez renversé le code du travail, comme vous êtes en train de toucher à la sécurité sociale, et comme vous êtes en train de changer le secteur public de la santé. Parce que sinon, on se casse la tête contre les murs à essayer de comprendre pourquoi un désordre pareil peut exister dans l'hôpital public et quelle est la rationalité de le faire durer et de l'aggraver. Il y a une rationalité. Depuis 1996, 63 services d'urgence publique sont fermés et pendant le même temps, 193 privés ont été ouverts. Ce qui signifie que c'est bien la logique traditionnelle, le service public va reculer et le marché va, grâce à sa main invisible, pourvoir aux besoins de la population. Autrement dit, en France aussi, quand on va arriver à avoir besoin de soins d'urgence, il va d'abord falloir sortir sa carte bancaire avant de sortir quoi que ce soit d'autre pour savoir si on va être soigné. Et je pourrais vous faire la démonstration, comme on me l'a fait à Marseille, à l'hôpital Latimone, de personnes qui sont allées d'abord dans le privé, qu'on a rejetées de là parce qu'on n'en voulait pas, des fois avec agrafé un premier prélèvement sur leur carte bancaire, et les renvoyer aux services d'urgence du public. Voilà l'ordre public sanitaire qui est en train de s'installer. Et le système qui consiste à étrangler les finances de la sécurité sociale n'a pas d'autre, et de l'hôpital public n'a pas d'autre signification. Voyez-vous, la riposte, elle existe. Vous avez-vous demandé, chers collègues, d'une manière générale, oublions ce gouvernement un instant, ce que l'on voit dans ces hôpitaux? Pour la première fois, vous avez des brancardiers, des urgentistes, des infirmiers, des infirmières, mais aussi des médecins. Eh bien, s'il y a une corporation qui n'est pas habituée à faire la grève, c'est bien celle-là. S'il y a une corporation qui n'a jamais vu d'un bon œil le mélange des genres, ça a souvent été celle-là. Eh bien, ils y sont. Et ils y sont souvent d'une façon qui témoigne d'un idéal pour l'hôpital et le service public de l'État et des concitoyens. J'en ai vu à Latimone me dire... Moi, je fais ça parce que je veux le faire, parce que je crois à un système de santé publique. Je pourrais aller immédiatement dans une clinique privée, si je le voulais, et gagner bien plus que ce que je gagne là. Et pareil pour les aides-soignants et autres personnels. Ainsi, cette mobilisation d'ensemble dure depuis 6 mois dans certains hôpitaux. 260 services sont en grève. Et le 14 novembre, tous ces gens seront dans la rue. J'espère qu'ils seront mieux traités que l'ont été les pompiers avant eux. Mais j'espère qu'ils seront nombreux. Oui, je l'espère. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas défendre leurs conditions personnelles, leur salaire. Ils auraient le droit. C'est les plus mal traités d'Europe. C'est les plus mal traités d'Europe. Ils pourraient. C'est la profession dans laquelle il y a le plus de burn-out. C'est la profession dans laquelle chaque jour, on sait qu'on remplace un collègue qui est tombé malade ou qui va tomber malade et que ça va être chaque jour un peu plus difficile et pourtant ils reviennent. C'est là-dessus que je vais arrêter. Vous avez décidé 2,3% d'augmentation du budget et on entend sonner clairons et trompettes, Bussin et Fifrelin sur ces 2 et 3% qui vont augmenter. Dans le même temps où la dérive naturelle de la dépense liée au vieillissement de la population et aux endémies fait une dépense supplémentaire de 4%. Ah, madame, messieurs, collègues, la France est inflammable. J'espère que ceci sera le détonateur et que le peuple français saura au moins faire comme des Chiliens.